La délégation de l'Union des femmes laotienne, conduite par Inla Van Keupumpan, membre du comité central du Parti populaire révolutionnaire Laon et présidente du comité central de l'Union, arrivée le 6 juin par vol à Pyongyang, a déposé les bouquets de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage. Par ailleurs, le même jour, le président de la Fédération internationale de taekwondo, Lee Yong-sun, arrivé par vol à Pyongyang pour participer aux cérémonies consacrées au 50e anniversaire de la fondation de la Fédération internationale de taekwondo, a formulé son hommage sublime devant les statues en bronze des grands leaders.